Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse Les 70 ans d'Israël ou Le désenchantement, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Assia Khalid. Au départ de cette série, il y a cette 7e semaine confinée et l'envie de proposer des écoutes utiles aux lycéens et pas inutiles pour les autres. Et donc l'histoire de cet État qui se voulait exemplaire, à moins qu'on ne l'ait rêvé ainsi, est devenue finalement comme n'importe quel autre. Mais au départ, il y a le kibboutz. Alors pour commencer, les personnages. Des pionniers, une conservatrice, des communistes aveuglés, des héritiers de la Mittel Europa, une parisienne en bleu de travail et de jeunes gauchistes. Ensuite, le décor. Des mouvements de jeunesse, l'Empire ottoman, Tel Aviv, la Palestine, la Terre Sainte, une guerre, un socialisme biblique, des pamplemousses, le procès Eichmann et le capitalisme. Aujourd'hui, premier épisode, la voix de Kessel. C'est en effet la fréquentation que j'ai eue avec les milieux russes de Paris qui m'a emmené en Palestine. Parmi les gens que j'ai connus dans l'émigration russe, l'un de ceux avec qui je me suis lié tout de suite d'une amitié profonde était un homme plus âgé que moi, mais d'une grande jeunesse d'esprit et de cœur. Il s'appelait Polyakov Litovtsev, c'était un journaliste. Mais il avait une activité personnelle beaucoup plus essentielle pour lui et qui était le sionisme. À l'époque, la Palestine appartenait à la Turquie. Malgré cela, des gens pleins d'idéalisme sont partis, avec de l'argent ou sans argent. Les uns ont acheté des petits lopins de terre, les autres se sont loués comme ouvriers agricoles et ont fondé de minuscules colonies qui ne dépassaient pas quelques centaines de personnes. De telle sorte que lorsque vous êtes arrivé en Palestine vers 1925, je crois, vous avez été témoin de la vie de ce qu'on pourrait appeler au fond le noyau de l'actuel État d'Israël. Absolument. J'y ai été amené par un homme extraordinaire qui s'appelait Weizmann et il avait acquis une telle influence et une telle importance qu'on lui a proposé d'être l'or. Il a refusé et il a demandé par contre que l'Angleterre prit l'initiative de fonder un foyer juif en Palestine. Lord Balfour l'a accepté et c'est la fameuse déclaration Balfour qui a établi les premiers fondements de ce foyer en Palestine. 1956, Joseph Kessel. אל כל החקירף מנף שקלטת בחורף בעוז וחמאוני. Mes parents sont venus de Allemagne. On dit en Israël Yekes, Yeke. C'est les Juifs de l'Allemagne. Pas à cause de Hitler. Ils sont venus parce qu'il était socialiste, idéaliste, et ils sont venus pour monter le kibbutz Yagour à côté de Haïfa. Vous savez qu'est-ce que c'est kibbutz? On habite ensemble tous les groupes des enfants qui sont le même âge. C'est très ensemble. L'ensemble est le plus important et le travail. Le travail et l'ensemble. 70 ans d'Israël, des bougies, du désenchantement. Socialisme kibboutznik et vanité israélienne. Par Assia Khalid et Alain Lefkovitch. Finalement, le kibbutz, c'est moi, j'adorais ça. Il y a les gens qui ont beaucoup de critiques. Moi, j'adorais ça. Adi Etzion, artiste israélienne. On prend les sons, après-midi, on travaille, ou là, ça change la place de travail. Et le soir, c'est des chevra, des compagnies, les parents, bien sûr. Il y a des films, il y a des... Mais les années quand j'étais en kibbutz, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le kibbutz, ce n'est pas un socialisme. Là, c'était shivayon, égalité, égalité. Et ça nous manque pas parce qu'on est né là-dedans. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est l'argent. Quand on parle de kibbutz, on a toujours l'impression que c'est une société idéale, que c'est alors, formidable. Idéal, non, mais laissons la politique. J'adorais ça. Même qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Mais ça m'a manqué de ne pas être très proche aux parents. » Et les parents disent « C'était difficile de ne pas être proche aux enfants. » Moi, quand j'étais née là-bas, ça ne me manquait pas du tout. J'adore, j'admire mes parents. Ils sont des gens de culture. Il y avait deux pianos dans mon kibbutz. Les deux étaient un de ma mère, un de mon père. C'est-à-dire, et il y avait les patéphones. Il y avait un patéphone au kibbutz dans notre chambre. Chambre, c'est l'appartement. Appartement, c'était une chambre. Et notre chambre, c'était une chambre de culture. Il y avait les patéphones avec tous les symphonies et des choses. Et il y avait à côté le lit, il y avait Heine, Goethe, Schiller, ok. Mais au kibbutz, on parlait que l'hébreu. Et je n'ai jamais appris l'allemand. Parce que les parents, pas seulement les parents de qui viennent de l'Allemagne, même les Polonais, les Russes, tous les... ils sont venus de tous les pays. Alors, moi, j'étais très heureuse au kibbutz. Et l'égalité, le socialisme, magnifique pour moi. Après, je ne suis pas allée au kibbutz après, parce que si je voulais être un artiste, je ne pouvais pas. Parce qu'il fallait que je sois peut-être une professeure de gymnastique, parce que c'est ça qui manquait dans le kibbutz. Mais moi, je voulais être un artiste. Ce qu'il y avait magnifique, c'est mon professeur de musique. Il était très connu, Yehuda Charette. Vous connaissez Moshe Charette, qui était... Le ministre de l'étranger, okay. Moshe Charette avec Ben-Gurion. Alors son frère, c'était mon professeur de musique, Yehuda Charette, très connu. La Palestine juive était uniquement composée d'émigrés volontaires qui étaient venus surtout de Russie pour fuir les persécutions. Il y avait des tailleurs, il y avait des ingénieurs, il y avait des écrivains, et tous ces gens n'avaient qu'un but, c'était de faire ce noyau d'Israël. C'est en somme une aventure en voie de création à laquelle j'ai assisté. L'un des souvenirs les plus vivants en moi, c'est une petite colonie qui s'appelait Kfar Eladim et où les gens vivaient en régime, je ne dirais pas communiste, parce qu'ils n'étaient pas communistes, mais en régime communautaire. C'était les plus grands idéalistes que j'ai vus. Et d'ailleurs, on les a imités en Palestine, parce que même maintenant, il y a beaucoup de ces organismes qui s'appellent kibbutz. C'était des gens, hommes, jeunes hommes et jeunes femmes pour la plupart, qui n'avaient absolument rien à eux, mais littéralement. Même leurs chemises, même leurs vêtements appartenaient à tous. Ils étaient lavés en commun et chacun prenait ce qu'il voulait hors de la cure. Presque tout était en formation et en gestation. Les kibbutz ont été créés par des pionniers et ces pionniers sont arrivés en passant par des mouvements de jeunesse. C'est-à-dire que tout a commencé par des mouvements de jeunesse qui se sont créés en Russie, en Pologne. Uri Weber, sociologue et kibboutznik. Sur un mode un peu scout d'une part, mais très politisé d'autre part. Et donc les différents mouvements se sont développés en fonction du parti politique auquel ils étaient affiliés, déjà en Pologne ou en Russie. Certains qui étaient plus communistes, les communistes sionistes, donc c'est aussi un courant un peu particulier. D'autres qui étaient moins... Enfin, il y avait des divergences idéologiques, mais ils étaient tous dans la mouvance socialiste-sioniste. Mais, malheureusement, c'était les années qui ont commencé les pilougs. Pilougs, c'est session de kibbutzim. J'avais déjà 14 ans, et ça commençait. Il y avait les droites et la gauche. Nous, dans le kibbutz, on était les droites, ça veut dire Ben-Gurion. Et la plupart des gens dans le kibbutz étaient à gauche. Alors, ils nous ont mis dehors. On a changé le kibbutz, on est allé dans un autre. Mais cette scission, cette séparation, c'était presque plus grave que ce qu'on vit aujourd'hui en Israël. la séparation entre... Et on était obligé de partir. Séparation entre quoi et quoi? Et maintenant, aujourd'hui, entre les Machane Tzioni et Likoud. Datiyim, très datiyim, haredim, comment on dit en français, datiyim, orthodoxes, et nous qui ne sommes pas orthodoxes. Les Arabes, Israéliens, les Israéliens. Alors, aujourd'hui en Israël, on sent très bien qu'est-ce que c'est être séparé. On sent ça très gravement. Ce n'était pas il y a 20 ans. Mais, quand j'étais jeune, dans notre kibbutz, la séparation et ce qu'il fallait couper, il y avait des autres kibbutzim qui étaient coupés en deux. Si on veut être très simple, c'était la gauche était pour la Russie et la droite était pour la... C'est très primitif de dire ça. Mais mon père, il était pour Ben-Gurion. Et Ben-Gurion, c'était ma paille. Relativement, c'était plus droite que les autres. Le kibbutz a surtout construit l'agriculture israélienne. La technologie agricole a été développée dans les kibbutzim. Une technologie qu'aujourd'hui le monde entier vient apprendre en Israël. Au niveau de l'industrie, je pense que c'est à peu près 8% de l'industrie israélienne dans les mains des kibbutzim, alors qu'ils ne représentent que 2% de la population, quelque chose comme ça. Alors ils ont jeté les bases. Mais il faut voir aussi qu'à l'époque, l'industrie a été créée, les infrastructures industrielles ont été créées par la Hestadrout. La Hestadrout, c'était soi-disant le syndicat, mais c'était en fait une institution d'État qui était là pour le développement du pays. Il tenait tous les deux rôles aussi. D'un côté, les droits des ouvriers, les droits sociaux, mais ils avaient la sécurité sociale dans les mains et ils avaient... une grande partie de l'industrie, mais l'Hestadrout aussi, était créée par les courants socialistes de l'époque. C'était très imbriqué, c'était ce qu'on appelle le mouvement travailliste de l'époque. Est-ce que le kibbutz, c'est vraiment la colonne vertébrale, dès le départ, dès 1948, de cette économie qu'on doit construire ou pas? Non, le kibbutz est limité dans sa capacité de... d'embaucher. Alors déjà, ils devaient trouver des places de travail pour ses membres. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient s'ajouter au kibbutz. Mais c'était l'époque des vagues d'immigration et la population a doublé entre 48 et 51. Donc le kibbutz ne représentait pas une solution au problème de travail ou d'intégration de toutes ces couches. Ce qu'on cherchait, c'est surtout à donner du travail et pas tellement à rapporter de l'argent. C'est l'époque où on a construit toutes les usines de textiles en Israël qui ont disparu il y a une dizaine d'années, mais qui pendant quelques bonnes dizaines d'années ont donné du travail à une grande partie de la population. Sur le flanc de la colline, dans une grotte, sortait une fumée. Il y avait une espèce de machine incroyable, enfin préhistorique. C'était un homme avec sa famille, une espèce de patriarche avec trois fils et déjà une demi-douzaine de petits-fils assez grands, qui fabriquait je ne me rappelle plus quoi. Il m'a dit, un jour, ici, il y aurait une usine. Atta est une entreprise créée en 1935. Par deux cousins venus de Tchécoslovaquie. Monica Lavi, directrice du musée Nahum Gutmann de Tel Aviv. C'était avant la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque du mandat britannique. Et quand l'Europe est entrée en guerre, Atta a commencé à fournir en vêtements, les uniformes, l'armée britannique, ainsi que la population israélienne, qui était majoritairement socialiste. Les vêtements Atta étaient de bonne qualité, solides et simples. Et donc sur ce catalogue, on peut voir le fameux chapeau. Oui, le fameux chapeau Temple, le chapeau de l'idiot. Temple signifie stupide en hébreu. Personne ne sait vraiment d'où vient ce nom. Et c'est le chapeau que portaient les travailleurs. Atta fabriquait aussi les uniformes pour l'armée, la police et pour les écoliers. Là, vous pouvez voir Ben-Gourion porter des vêtements kaki Atta. Il y a des photos qui le montrent jeune étudiant en droit à Istanbul, quand c'était encore l'Empire ottoman ici. Et on voit qu'il était très élégant, qu'il savait s'habiller. Mais il a choisi de porter des vêtements de travailleur pour montrer qu'il participait, qu'il faisait partie du peuple qui construisait ce pays dans ces temps héroïques. Vous parlez des temps de Atta, oui. Comme si on parlait d'une période qui a marqué l'histoire. C'est assez étonnant. Alors qu'on parle d'une marque de vêtements quand même. Parce qu'il y a un commencement et une fin. 50 années. Et ces années sont très importantes et symboliques. Israël est très très jeune. On essaye tout le temps de raconter notre histoire de plein de manières. Donc on peut prendre Atta, mais on peut prendre ce qu'on veut, parce qu'on a du mal avec l'histoire récente. L'histoire ancienne est simple. C'était les temps bibliques, puis on était dans la diaspora pendant 2000 ans, puis on est revenu. Bon. D'accord, il y a quelques problèmes. Mais bon, on arrive à raconter l'histoire sans trop de difficultés. Mais l'histoire récente, nous vivons dedans, ou en tout cas, nos parents ou bien encore nos grands-parents. Nous connaissons ces gens qui ont construit quelque chose depuis le début. Et puis le récit est conflictuel entre les Palestiniens et nous. Le récit est conflictuel entre la gauche et la droite, entre les femmes et les hommes, entre les kibbutzim et les villes. Bref, il y a beaucoup de récits et de points de vue qui veulent s'imposer et raconter l'histoire. Mais ce territoire est trop petit pour tous ces récits. Et chacun revendique son histoire. L'histoire d'Atta est l'une de ces histoires. Elle a duré 50 ans et on a pu voir tellement de changements en 50 ans dans ce pays si jeune. France Inter, mai 1973. Pourquoi êtes-vous venu en Palestine ? C'est la crise que j'ai subie, la crise morale et idéologique pendant la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'après le début de la guerre, je ne pensais pas encore aller en Palestine. Et ce qui était à l'époque la Palestine, ce n'est que durant la guerre, à peu près au cours des années 41-42, lorsque j'ai vu ce qui se passait à l'égard des Juifs et le désarroi dans lequel ils se trouvaient. À l'époque, on ignorait encore le sort exact qui les attendait, mais enfin, on prévoyait bien qu'arrêtés par les Allemands, leur sort ne devait pas être très rose. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une espèce de vide idéologique, une espèce de crise morale. Et je suis parti en Palestine. Siège des Nations Unies, 3 décembre 1947, non. Irak, vote de partage non. De la Palestine. Lebanon, non. Poland, yes. Saudi Arabia, non. Syria, non. Turkey, non. Ukraine, yes. South Africa, yes. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. The United States, yes. 4, 6, 8, 10. The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Ainsi, ces choses faites, 3 décembre 1947, à l'ONU, des peuples libres se sont prêtés à cette honte, représentant arabe à l'ONU, qui est le partage de la Palestine. Les Juifs n'ont jamais cessé de menacer les Arabes et de s'armer de façon occulte. M. Weizmann a lui-même déclaré « Il faut retourner la terre de Palestine pour y trouver les armes juives. » Maintenant, leurs menaces ne font que grandir et ils déclarent ouvertement qu'ils sont en mesure de prendre le pays par la force. Le Comité suprême arabe de Palestine et les États arabes n'ont cessé de mettre le monde en garde contre les graves conséquences qui résulteraient de toute amputation de la Terre Sainte. C'est que nous sommes résolus, en effet, à défendre contre cette spoliation. C'est non seulement notre patrimoine, mais notre vie même et l'avenir de notre peuple. Ainsi donc, chacune des nations qui a voté le partage de la Palestine va à l'encontre du droit le plus absolu des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ceci pour une cause perdue à l'avance, car aucune force au monde ne pourra imposer un État juif en Palestine. La décision de l'ONU reconnaît à l'État juif de Palestine un territoire modeste, fraction de celui qui avait été ouvert à l'immigration juive en 1917 par la déclaration Balfour, et en 1922 par le mandat international sur la Palestine. 3 décembre 1947, Émile Najjar, représentant de l'agence juive à Paris. Ce cadre physique de l'État juif, nouvellement créé, permettra néanmoins de résoudre les problèmes urgents qui se posent, en particulier celui des survivants encore soumis au régime cruel des camps de concentration, le problème aussi de diverses minorités juives opprimées dans certains pays. Et est-ce que vous considérez la décision de l'ONU comme une victoire juive sur les Arabes? En vérité, la décision de l'ONU marque, au point de vue territorial, un recul juif par rapport à la déclaration Balfour et au mandat international. Elle ne représente ni une victoire ni une conquête sur personne. Il faut que le monde sache que les sionistes ont commencé leur œuvre nationale en Palestine depuis plus de 60 ans. Cette œuvre a été entreprise dans ce qui était alors un pays désertique, ravagé par les fièvres, une province négligée de l'Empire ottoman, habitée par une population rare et mélangée. Aujourd'hui, 700 000 juifs vivent en Palestine. Ils ont leur langue, leur culture, leurs fermes, leurs industries, leurs universités et ce qu'ils ont dans ce pays. Chaque maison, chaque pouce de terre a été construit et fécondé par du travail juif, de l'idéal juif et des vies juives. Que faut-il penser de la situation instituée par l'ONU? Et que faut-il en attendre? Ce sont les questions que nous posons ce soir. Eh bien, messieurs, vous êtes réunis ce soir pour nous dire ce qu'il faut penser de la décision de l'ONU relative au partage de la Palestine et aussi des réactions que cette décision a provoquées. Pierre Paraf. Vous le savez, l'Assemblée générale de l'ONU vient de décider, à la majorité requise des deux tiers, le partage de la Palestine et la naissance de deux États, un État juif et un État arabe, qui disposent sensiblement de territoires égaux, de territoires qui comportent des couloirs, qui comportent des enclaves. Je voudrais seulement marquer l'importance de l'événement, marquer tout ce que comporte pour la conscience du monde, ce que j'estime comme une réparation envers ceux que Jaurès appelait les grands spoliés de l'histoire, envers la minorité plutôt de cette famille humaine que les persécutions ont empêché de s'intégrer définitivement aux nations où ils étaient installés, et que la persistance de leur foi a amené à désirer faire naître, ou plutôt faire renaître une nation. Pour tous les amis de la cause juive, il n'est pas question naturellement de marquer la moindre réserve, la moindre antipathie envers l'islam, que nous considérons, nous, comme l'associé de la France, et que les amis d'Israël considèrent aussi comme un cousin, comme un associé d'Israël. 14 mai 1948, une heure avant le sabbat, une heure avant les premiers bombardements arabes. David Ben-Gourion, à Tel Aviv, proclame devant le Conseil national représentant la communauté juive de Palestine et le mouvement sioniste la naissance de l'État d'Israël. ועל יסוד החלטת עצרת האומות המוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. כל ans. Joseph Kessel. J'avais repris mon travail de journaliste et de reporter à François. Et aux approches de la guerre que les Arabes ont déclenchée contre Israël, je suis parti pour la Palestine. Quelques fonctionnaires israélites avaient frété un avion avec des journalistes, un avion particulier, et nous sommes partis à 6 dans un tout petit biplan qui nous a déposé sur le terrain de Haïfa que les Anglais venaient de quitter et qu'ils venaient de laisser à l'État nouveau-né qui était Israël. Et comme j'étais le plus pressé, j'ai sauté le premier de l'avion et le fonctionnaire israélien qui venait à peine de prendre sa place m'a dit en souriant, c'est, vous avez de la chance, vous avez le visa numéro 1 des gens qui arrivent en Israël. Et alors j'ai vu cette guerre absolument stupéfiante, une guerre menée par 750 000 habitants, c'est-à-dire le quart de Paris, contre des États arabes qui, eux, comptaient des dizaines de millions de population. ORTF, 5 mai 1963. Le monde est à vous, Jacqueline Baudrier au kibboutz. Le matin, c'est un décor champêtre. Des maisonnettes, des pelouses, des peupliers, des tracteurs qui s'en vont aux champs. De grands bâtiments aussi. Les bâtiments de la vie collective, le réfectoire où l'on prend les repas en commun. Mais ce que je voulais voir d'abord, c'est la maison des enfants. Au kibboutz, les enfants ne vivent pas avec leurs parents. Ils ont leur maison, à eux. Quand j'ai aperçu Tirza, l'une des éducatrices, elle faisait chanter les enfants, des enfants d'une dizaine d'années. On chante beaucoup en Israël. C'est un chant dont les paroles sont tirées de la Bible. Les mots, c'est toujours les mêmes mots. Voici la terre de lait et de miel. Où coule le lait et le miel. Il y avait les kibboutz de gauche et les kibboutz de droite. C'était quoi, ça veut dire quoi, un kibboutz de droite? De droite, qu'ils sont plutôt pour Ben-Gurion. Oui, bien sûr que oui, socialiste, c'est pas communiste. Socialiste, c'est dans le centre. Mais il y avait les gens qui étaient pour Staline. Adi Etzion. Aussi. Et il y avait les autres qui étaient Ben-Gurion qui avaient le contact avec De Gaulle, avec l'Amérique, Truman et après, bien sûr. Mais la Russie, après la deuxième guerre, après 45, 6, 7, 8, le Staline a commencé à tuer les plus de millions que Hitler a fait. Mais quand même, ils ne sont pas encore compris ça, la gauche d'Israël. Ils ont continué à être pour la Russie, mais pas mon père. Et moi, j'étais avec le côté de mon père. Mais il y avait des familles qui étaient... Les enfants étaient ici, les parents étaient... C'était vraiment la tragédie des kibboutzim, parce que les kibboutzim, c'est une chose très originale, très unie dans le monde entier. Il n'y avait pas une chose comme kibboutz. Et là, la politique. Et ça, ça devient jusqu'à aujourd'hui les problèmes israéliens. C'est-à-dire que la politique prend le premier place dans tous les domaines. Partout, il n'y a que la politique d'abord. Je ne sais pas si ça vient de cet passé de nous, qui mon père aussi, il est très sûr de ce qu'il dit. Mais je trouve que Israël n'a pas fini avec cette... Je ne sais pas si on peut dire que c'est les Juifs. De temps en temps, je veux dire, c'est les Juifs. Cette tendance d'être si sûr de ton avis. Pour qui on est? Est-ce qu'on est pour le monde libre? Uri Weber. Avec les États-Unis en tête, ou est-ce qu'on est pour le monde communiste avec l'URSS en tête? Et à un certain moment, même, il y a eu une scission à l'intérieur des kibboutzim, de ce mouvement, à cause de cette discussion. Le choc a été réellement dans les années 53-54, lorsqu'il y a eu les fameux procès, les procès des blouses blanches, des médecins, ensuite le procès Slansky en Tchécoslovaquie. C'était la première remise en question profonde en Israël de qu'est-ce qui se passe dans le monde communiste. Il faut se souvenir que pendant la guerre d'indépendance, l'Union soviétique a soutenu Israël. A soutenu Israël en envoyant des armes par l'intermédiaire de la Tchécoslovaquie et a soutenu Israël à l'ONU. Je crois que les Juifs étaient tellement assurés d'art, tellement reconnaissants pour la Russie contre les Allemands. Et le socialisme de Kibbutz, bien sûr, le plus proche, c'était le communisme peut-être. Mais après, quand Staline a commencé avec les choses, les camps de Staline, alors ils ne sont pas ouverts les yeux, ils sont restés encore, ils sont encore continués avec ça. Alors, est-ce qu'il y avait des kibbutz de droite? Il n'y avait pas de kibbutzim de droite. Même les kibbutzim religieux de l'époque, c'était le courant religieux de gauche. Ils se disaient religieux socialistes. Pour les religieux, le socialisme a été inventé dans la Bible. Tout le socialisme, on le trouve déjà dans les préceptes de la Bible. Donc il n'y a aucune contradiction là-dedans, et au contraire même. Et je peux vous dire que même jusqu'à aujourd'hui, une grande partie des ce qu'on appelle les nationaux religieux, quand on parle de problèmes sociaux internes, ils ont des positions socialistes. Dans les kibbutz, il n'y avait pas le mot « argent ». Plus tard, ça commençait, il y avait des business, il y avait des échecs de business. On a perdu beaucoup de l'argent parce que les kibbutzim, ils étaient de très, très bon état. Ils commençaient à faire des business. Mes parents, c'était un bon exemple des gens de kibbutz. C'est pas seulement socialisme, c'est humanisme, socialisme et tarbout, culture. Ça, c'était le mélange. Les gens étaient de très, pas tout le monde, mais il y avait beaucoup dans le kibbutzim, les gens de très haut niveau. Et c'est pour ça que les kibbutznikim étaient très fiers. Mais, par exemple, à côté du kibbutz, il y avait un petit village des gens de Maroc, Tunis, Irak. Il faut dire la vérité. Nous sommes les kibbutznikim. Nous sommes heureux. Nous sommes Barei Mazal. Nous avons la chance. Vous n'avez pas la chance. Vos parents n'ont pas de... Et ils ne savent pas très bien lire, écrire, les professions qu'ils ont. Pas dans ma kibbutz, mais je sais qu'il y avait beaucoup de kibbutzim dans les Galilées, que c'était très... très là-bas. Moi, je ne crois pas. Il y avait autre problème. Il y avait les enfants qui sont venus de Pologne et de Shoah. Il y avait des Erumrim Kinim, les poux. Ils ne savaient pas l'hébreu. On ne savait pas qu'est-ce que c'est. On ne les pas aimé. Mais je crois qu'après que Begin, que Likoud a monté, il n'y avait plus le kibbutz qui pense. C'était déjà Begin donné les gens Mizrahim. Les orientaux, il a donné les... Begin a donné la fierté pour les gens simples. Les gens qui sont venus de Nord-Afrique. Et il n'aimait pas les Mapainikim qui disent « Nous, nous, et eux, nous sommes cultivés avec de l'argent, avec des... européisme, et vous êtes Nord-Afrique. On peut dire aussi la couleur de temps en temps. Ça comptait en Israël. On ne peut pas cacher la vérité. Pas moi. היום ועוד תשב אל מול האר, גם הגב יהיה כבור כחת עותר ותזכר אז בימיך בפלמה ותספר אזי אגב עישון מקטר ומסביב ומסביב ישב התר ואשתך גם היא מובלגת בשנים אז היא לדמעה Israël a toujours été une société en guerre, et aussi une société de guerriers. Monica Lavie. L'armée, Tzahal, est le melting pot de la société hébraïque. Et l'idéal de la société israélienne, c'était le melting pot. Il y avait la croyance que nous tous serions les enfants de ce melting pot, que nous allions nous y mélanger et qu'en émergerait l'Israélien nouveau. Et la marque Atta a à voir avec cette idée parce qu'elle dessine cet Israélien nouveau, qui n'est pas religieux, qui ne passe pas son temps à étudier la Torah et le Talmud, mais qui travaille et qui est fort. L'un des projets du sionisme était de changer le corps des Juifs, physiquement, oui. Parce que l'un des premiers sionistes, Max Nordau, qui était médecin, disait que les Juifs devaient se muscler. Et donc beaucoup de clubs de sport furent créés. Les gens allaient au gymnase, faisaient du sport, etc. Voilà, on ne voulait plus être pâle, mais devenir fort, en bonne santé. Physique. Et Atta a contribué à l'émergence de ce juif israélien nouveau dans ce pays d'Israël. Pour quelqu'un qui arrivait de Paris... À quel âge ? J'avais 20 ans en 61. Françoise Coria, professeure à l'Université hébraïque de Jérusalem. Pour quelqu'un qui arrivait de Paris, il n'y avait pas de mode, c'était une catastrophe. Il n'y avait pas... La nourriture était une catastrophe, les transports étaient une catastrophe, enfin... Je me souviens, au kibbutz, je me souviens qu'on m'a fait porter des bleus d'ouvriers. Je me regardais dans la glace et je rigolais en pensant à la robe de soirée que j'avais portée 2 ou 3 mois auparavant. Tout le côté matériel, c'était zéro. Et le côté idéal était extraordinaire. Alors j'arrive dans un kibbutz où je vois les gens dans la journée cueillir des pamplemousses ou travailler la terre. Et le soir, les mêmes jouent du violon, font de la sculpture, font de la peinture, et écrivent des thèses. C'était pas n'importe qui, hein. C'est quoi, si vous deviez définir cet idéal, justement, ça serait quoi ? C'est pas un idéal politique, j'imagine, si ? C'est le véritable socialisme, c'est-à-dire le socialisme dépouillé des dictatures et des politiques. C'est vivre en communauté, en solidarité. Mais en 61, qu'est-ce qu'on sait d'Israël ? Qu'est-ce que vous saviez d'Israël ? J'ai seulement ce qu'on me disait dans les journaux, etc. Puis j'ai commencé à lire. Et puis, il est arrivé, non, il y avait pas mal de choses. Il y a eu ce merveilleux livre, Le dernier des justes, de Schwarzbart. Il y a eu le film Exodus. Et Edith Piaf qui se met à chanter avec des trémolos. Ils sont partis au pays de leurs rêves, au pays de leurs ancêtres. En 62, je suis rentrée en France pour terminer mes études d'histoire de l'art. Et je suis revenue en 67, rien ne pouvait m'empêcher de me porter volontaire au moment de la guerre des six jours. Il y avait beaucoup, beaucoup d'étudiants, d'ailleurs, juifs et non-juifs, qui se précipitaient à l'agence juive pour se porter volontaire. Une quantité extraordinaire de pays, tous les pays alentour, plus l'Afrique du Nord, tous les pays musulmans, nous avaient déclaré la guerre à un tout petit État. Qui avait quoi ? Qui avait à peine 20 ans. Mais vous dites qu'il y avait beaucoup de juifs et de non-juifs. Comment expliquer l'engouement des non-juifs pour Israël ? Eh bien, justement, les gens se disaient c'est une nouvelle catastrophe, c'est un nouveau génocide, c'est une nouvelle Shoah. Ils se précipitent sur les juifs parce qu'ils sont juifs. Et vous, quand vous décidez de venir en 1962, passer un an et apprendre l'hébreu dans un kibboutz, qu'est-ce qui vous pousse à venir ici ? Vous êtes sioniste ? Vous êtes, Je suis devenue sioniste, oui, mais jusqu'en 61, je n'avais pas conscience de ce que ça voulait dire qu'être juif. Pour moi, on était français, bretons, auvergnats, alsaciens, catholiques, protestants, athées, juifs... tout pareil. Et mes parents étaient très patriotes, et je savais que les nazis avaient fait des choses horribles aux juifs, et je savais qu'il y avait eu des collabos qui étaient des salauds. C'est à peu près tout ce que je savais. Et jusqu'en 61, personne ne parlait de ces choses-là, personne ne parlait de la guerre, c'était un sujet tabou. En 61, il y a eu le procès d'Eichmann. Et les journaux ont commencé à parler de Eichmann, d'Israël, de la Shoah, de tout ça. Et à ce moment-là, les langues ont commencé à se délier, les volcans ont commencé à exploser. J'ai commencé à regarder autour de moi et à écouter, tiens, qu'est-ce qu'il dit celui-là ? Qu'est-ce qu'il dit celui-là ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Moi, les Juifs... Ah tiens, pourquoi moi les juifs, qu'est-ce que ça veut dire, on n'est pas français ? Oh mais toi c'est pas la même chose ! Ah moi c'est pas la même chose, pourquoi moi c'est pas la même chose ? Et je me souviens que je suis rentrée dans une station de métro un jour, et je vois sur les murs du métro écrit « Juif go home ». Juif go home, qu'est-ce que ça veut dire ? Mon home il n'est pas ici en France ? Où est-il mon home ? J'ai attrapé mon père par le collet, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est ce rêve de s'assimiler, d'être tellement assimilé, que nous avons oublié que nous étions des étrangers, mais eux, les Français, ils n'ont pas oublié, ils nous considèrent comme des invités. Qu'est-ce que ça veut dire que de vouloir s'assimiler à ce point ? Tu voudrais que j'épouse un catholique ? Oui, je l'aime beaucoup ce catholique, mais il va me répéter tous les jours que je suis juive. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait ma valise et que je suis venue en Israël. Parce qu'il y a un home pour les Juifs et c'est Israël. Le kibboutz, c'était pour nous, en fait, une expérience de société différente de ce qu'on a vécu en France. Et puis, je vous rappelle, c'était la France d'avant 68, une France très conservatrice, très hiérarchisée. Nous, on voulait un mode de vie différent. Très imprégné aussi des idées socialistes. Et le kibboutz nous semblait le plus approprié à réaliser ces idées-là et à les mettre en pratique. C'est donc avant la guerre des six jours, c'est aussi très important. La guerre des six jours, ça a été le tournant d'Israël. Lorsque nous, on arrivait en 66, le kibboutz, c'était encore ce qu'on appelait le prototype de la société idéale qu'on voulait créer en Israël. C'est-à-dire qu'on pensait que nous, on était un peu l'avant-garde et que le reste du pays suivrait un mode de vie ou de la construction d'une société socialiste en admettant une grande partie des principes de vie du kibboutz. Bon, alors c'était déjà une société égalitaire, mais égalitaire au sens qualitatif du terme. Dire que chacun devait pouvoir satisfaire ses besoins selon ses caractéristiques personnelles, différentes. Le kibboutz proposait une formule très attirante pour les jeunes, parce que Les jeunes qui, après leur bac ou après leurs études, ou qui voulaient faire une pause dans leur parcours, ils pouvaient rester au kibboutz pendant 3, 4, 5 mois, 1 an, sans rien payer. Ils travaillaient 4, 6 heures par jour. Et ils recevaient un peu d'argent de poche, mais ils étaient logés, nourris, blanchis. On leur organisait tous les 2-3 mois, il y avait une excursion faite dans le pays pour connaître le pays. En contrepartie de leur travail, ils pouvaient vivre une vie de, déjà dans la vie communautaire du kibboutz, ils faisaient partie, mais ils avaient aussi leur vie à eux, c'est-à-dire leur vie, la vie des jeunes. Des jeunes venus de l'étranger, c'était des groupes de 40-50 jeunes, et en plus ils étaient liés aux jeunes du kibboutz. Vraiment, ils passaient une très bonne période. Mais à la même période, il y avait aussi beaucoup de jeunes, des jeunes juifs venus du monde entier, venus pour s'installer au kibboutz et vivre au kibboutz, être membre du kibboutz. Et aussi dans l'optique de chercher un mode de vie alternatif. Et ça, ça a été aussi une influence des années 60. Et c'est une période où beaucoup de jeunes d'Amérique du Sud, des États-Unis, d'Europe, sont arrivés au kibboutz pour expérimenter ça. Alors comme le kibboutz était lié au parti de gauche, ils ont continué à mener un discours et une politique qui se voulait être de gauche, c'est-à-dire le respect des droits des hommes, le droit des Palestiniens à l'indépendance, donc la création d'un État palestinien, etc. etc. Et au cours des années, ce courant a été de plus en plus minoritaire. Et si le kibboutz était lié au parti du gouvernement jusqu'en 77, après 77, c'est fini. Tous ces partis-là sont dans l'opposition pour de longues années. Et ça a donc eu un impact important sur le kibboutz qui durant toute une période, se voyait comme faisant partie des constructeurs du pays. Et d'un seul coup, il se retrouve dans l'opposition face à une politique qu'il critique, etc. ATA Factory and the symbol of clothing ATA. L'entreprise ATA et les vêtements ATA sont comme un tatouage sur la peau des Israéliens. C'est plus qu'une entreprise, c'est un symbole. Le symbole d'une rupture qui est survenue dans la société israélienne. ATA a démarré en 1935, quand la culture israélienne était socialiste, et s'est arrêtée en 1985, quand la société est devenue capitaliste et a viré à droite. En 1985, il y a eu une grande crise économique en Israël. Le marché boursier s'est effondré. Beaucoup de gens ont perdu leur épargne. L'inflation atteignait 400%. Et ATA a fermé. Et avant que ça ne ferme, les ouvriers ont fait des mois de grève et ça faisait tous les jours la une des médias. Lorsque la finance s'est développée, le kibboutz n'était pas fait pour s'adapter au mode de pensée de la concurrence, de la finance, du bénéfice, etc. Et pendant des années, c'est vrai, les kibboutzim étaient en déficit et le gouvernement, chaque fois, comblait ce déficit parce qu'il voyait dans les kibboutzim surtout un système qui répondait à des impératifs nationaux et pas comme des entreprises économiques. Moi, je me rappelle le slogan dans les kibboutzim, c'était « Travaillez, produisez, ne vous préoccupez pas de la rentabilité ». En 77, ça a changé. Le gouvernement de droite, qui se sont installés en 77, ont dit « Le kibboutzim, vous avez terminé votre tâche, on n'a plus besoin de tout ce que vous faites, adaptez-vous ». L'État s'est petit à petit retiré de son emprise de l'économie et les kibboutzim se sont trouvés déphasés et on peut dire en gros, ils n'ont pas compris à temps que l'idéologie dominante avait changé et qu'ils devaient s'adapter à une économie de concurrence et de rentabilité. Et ça, ça a été la cause de la crise économique des kibboutzim qui a eu lieu dans les années 80. Les années 80, c'est toute une autre société. Les gens avaient des aspirations, ils voulaient étudier, ils voulaient une carrière, ils voulaient un métier, ils voulaient voyager de par le monde, ils voulaient... Il y avait des besoins nouveaux, tout à fait différents de ce qu'il y avait auparavant. Et le kibboutz n'était pas adapté à ça, n'était pas fait pour ça. Et donc, il y a eu tremblement de terre, une grande partie des membres à cette époque-là ont quitté. Les autres ont réagi et ont dit il faut changer le système. C'est d'ailleurs assez étonnant quand on regarde ça avec le recul, de voir que d'une crise aussi profonde, le kibboutz a quand même réussi à reconcentrer ses forces et à opérer à une transformation qui l'a remis en fait sur pied et qui on a refait un pôle d'attraction. Aujourd'hui, le kibboutz est un pôle d'attraction en Israël. Il y a des listes d'attente dans pratiquement tous les kibboutzim. Shapten ma'im bisason, mimayne ha'ishua. Shapten ma'im bisason, mimayne ha'ishua. Ma'im, oh ma'im bisason. Ma'im. Pourquoi vous n'êtes jamais retourné au kibboutz après? Ah, parce que je voulais être artiste. Et ça, c'est la seule chose. Problème de individualisme en kibboutz. Quand vous êtes un enfant, vous n'avez pas de problème dans le kibboutz. Quand vous êtes un adulte et vous n'êtes pas socialiste, égalité, vous avez quelque chose de personnel. Moi, j'ai voulu être un artiste. Et eux, ils ont voulu que je sois un professeur de gymnastique. J'étais très bonne sport. Comme un enfant, j'étais sportif. Mais je ne veux pas être professeur de gymnastique. Je veux être chanteuse. Je ne pouvais pas être là-bas. Moi, je veux voir les gens, je veux connaître autre chose que moi-même et que mes enfants qui ont les mêmes routes, les mêmes pensées. Les mêmes... Ce n'est pas normal. Kibboutz a quelque chose qui n'est pas normal. C'est que c'est toujours les mêmes gens qui vous connaissez, qui vous parlez avec. Il n'y avait pas de... pas trop de... Comment on dit? Développement. Pour développer... Développer la personnalité, c'est très difficile. Parce que tout le monde... Ah, elle a reçu le droit d'aller à Paris ou aller à Tel Aviv, de faire les études. Et moi... Et la jalousie. La jalousie. Socialisme kibboutznik et vanité israélienne avec Adi Etzion, Uri Weber, Monica Lavi et Françoise Coria. Merci à Johanna Blickman, Déborah et Shimon Mercerwood, Nali Depstein, Daniel Friedman, Gwen Michel de Lina pour les archives et Tamara Zenin. Avec la voix de Laetitia Eido, prise de son Benjamin Thuot, réalisation Asia Khalid, mixage Célia Dufour, attaché de production Marie-Vonne Abolivier, coordination Perrine Kervran, un documentaire d'Alain Levkovitch pour la série documentaire. LSD pour aujourd'hui c'est terminé, bibliographie, lien ou pour nous réécouter à Tel Aviv c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, Exil, Shoah, guerre et syndrome post-traumatique. Mais en attendant, restons chez nous, l'oreille collée au poste.